Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Mag sur Radioactive, votre rendez-vous quotidien avec l'actu locale. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une langue un peu particulière, une langue qui a traversé les frontières, qui se veut universelle et porteuse d'idées de paix et de partage. On va parler de l'espéranto. Si on en parle, c'est aussi parce que le Centre culturel Espéranto Touraine célèbre cette année un anniversaire exceptionnel, 120 ans d'existence. Pour revenir sur cette histoire, cette actualité de l'association et puis les événements évidemment qui vont être liés à cette belle célébration, nous recevons Pierrette Formen, présidente du Centre culturel Espéranto Touraine. Bonjour Pierrette. Bonjour. Alors Pierrette, vous avez été l'invitée récemment de Catherine dans Théâtral, etc. pour parler déjà de cet événement dont on va parler aujourd'hui. Mais moi, je vais vous cuisiner un petit peu plus que Catherine. Moi, j'ai envie vraiment de tout savoir sur cette association et son histoire. Alors tout d'abord, 120 ans d'existence, c'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est né le Centre culturel Espéranto Touraine, Pierrette ? Eh bien, il est né en 1905 d'un petit groupe d'espérantistes tourangeaux qui ont décidé d'aller se rendre au premier congrès international universel d'espéranto à Boulogne-sur-Mer. Ce congrès allait avoir lieu fin juillet, début août 1905. Et ils ont dit, il est temps de se retrouver tous ensemble et de créer une association. Alors, on rentre dans le vif du sujet, on parle d'espéranto, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'espéranto ? Alors, l'espéranto est une langue de communication internationale et dès son origine, elle a été faite dans ce but, de pouvoir relier, de communiquer avec des personnes du monde entier en toute facilité, égalité, équité. Un beau triptyque. Alors, l'histoire et la particularité de cette langue, vous venez de nous en parler. Comment est-ce que cet enseignement a-t-il pu se transmettre et se maintenir en Touraine depuis plus d'un siècle ? Alors là, ça, je ne sais pas, c'est la magie. Des gens qui sont passionnés et qui ont envie que ça continue, que ça perdure, et puis qui ont vécu. Les espérantistes, quand ils rencontrent d'autres espérantistes à l'international, ne peuvent que dire « il faut continuer », parce que c'est des rencontres inoubliables, c'est des moments de partage, de richesse. Et comme je disais tout à l'heure, avec des gens qui ont fait la même démarche, qui ont envie de connaître les autres, qui sont généreux, qui ont envie de s'enrichir au contact des autres. Voilà, donc je pense que c'est la passion, finalement. Mais c'est vrai que quand on vous entend en parler, ça paraît vraiment idéal, l'espéranto. Enfin voilà, de pouvoir communiquer avec n'importe qui. Pourquoi c'est pas plus répandu que ça ? Bien, il n'y a pas d'argent à y gagner. Ouais, c'est ça. Et oui, que de la chaleur humaine, des rencontres, de la paix, la fraternité. Mais ça, vaut ça n'a pas de prix. Bien mais... plus que l'argent, on est d'accord. On est d'accord. Alors, quelles activités vous proposez aujourd'hui au sein du centre ? Il y a des cours, des rencontres, des conférences. Enfin, qu'est-ce qui fait vivre l'espéranto en Touraine ? Eh bien, il y a tout ça, en effet. D'accord. Donc, il y a des cours hebdomadaires. Il y a trois niveaux, niveau A1, A2, niveau B1, B2 et niveau B2, C1. Voilà, donc trois cours auxquels on peut s'inscrire et des cours hebdomadaires. Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires pour permettre à chacun de respirer un petit peu. Et puis, à côté de ça, il y a un café espéranto qui a lieu tous les mercredis. Actuellement, il a lieu au Café Joyeux. Mais bon, on veut aussi faire partager d'autres lieux également. Donc, c'est un petit café qui va peut-être voyager dans les mois qui viennent à tour de rôle pour se promener un petit peu dans les rues de Tours. Et également une réunion mensuelle, un samedi après-midi par mois. Parmi les espérantistes du groupe, certains ont voyagé, donc ils viennent faire des conférences, rapporter leur expérience de voyage. Ou alors on reçoit des étrangers et qui viennent en Touraine et c'est eux qui viennent nous faire des conférences et nous parler de leur pays. Des fois c'est des musiciens, des fois des dessinateurs, des fois des professeurs d'histoire. Enfin bon, c'est très varié. Et ils en parlent en espéranto. Et on parle tous en espéranto, oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez de niveau, mais ça m'intrigue. Par exemple, vous êtes sur quel niveau d'espéranto ? Ça fait combien de temps que vous le pratiquez depuis ? Alors, moi, je l'ai appris dans les années 80, quand j'étais étudiante, pendant 3-4 mois, c'est tout, à raison d'un cours par semaine, et j'ai arrêté. J'ai fait mes études, ma vie personnelle, professionnelle, et donc, je me suis remise petit à petit. d'abord en tant que simplement adhérente au club, et puis ensuite, donc j'avais appris toute seule dans mon coin, enfin avec, ah oui. Enfin avec, si, avec un charpentier larichois. Mais, mais ensuite, j'ai adhéré au club, et puis j'ai assisté à des conférences, mais j'ai pas suivi de cours vraiment. Par la suite, je me suis mise dans le conseil d'administration. J'ai suivi un stage au château de Beaugé, à Grésillon. C'est un château qui appartient, c'est une maison culturelle qui appartient aux espérantistes sous forme de coopérative. Donc, j'ai suivi un stage. Et puis, ben là, une fois à la retraite, je me suis dit, mais je, peut-être en tant qu'enseignante, je pourrais peut-être m'investir davantage. Et donc, depuis, je donne des cours d'espéranto. Et avant d'enseigner, je me suis dit, mais il faudrait peut-être que j'évalue mon niveau. Donc, j'ai passé le B2 il y a 2 ans. Que j'ai obtenu, et je me suis dit, bon, c'est pas mal, mais on va aller un petit peu plus loin quand même pour avoir un niveau un petit peu plus supérieur. Et puis donc, j'ai présenté au C1 cet été et j'ai obtenu le diplôme niveau C1 du cadre européen des langues. Voilà. Bon, on a envie de vous entendre nous dire quelque chose en espéranto, parce qu'avec un niveau pareil, puis vous êtes aujourd'hui sur Radioactive, on va pas avoir le choix. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Yes, mi povas paroli esperante kun vi pri radio elsendo aŭ pri mia vojaĝo tra Ĉeĥio aŭ pri miaj geamikoj en la klubo. Mi havas multe da amikoj en la klubo kaj mi tre ĝojas prezenti Esperanton dum tiu festo, la 112a jariĝo de Esperanto en Turo. Ben, je ne parle pas espéranto, mais je crois que j'ai compris l'essentiel de ce que vous avez voulu nous dire. Vous êtes venue avec des amis du club de l'espéranto. Vous êtes très contente que ce soit célébré là dans quelques jours et que vous étiez heureuse d'être sur Radioactive. Il y avait un peu de ça ? Oui. Eh bien, voyez, on peut avoir l'espéranto finalement sans l'apprendre. Non, mais ce qui est sympa, c'est quand on vous entend parler, je retrouve de l'italien, de l'espagnol. Enfin, c'est peut-être moi, hein, mais je sais pas, on a l'impression d'entendre tous ces sons-là. Non, bah, vous avez tout à fait raison, c'est en effet ça. Zamenhof aimait beaucoup les langues, il était polyglotte, il possédait une douzaine. Et celle qu'il trouvait la plus musicale, la plus belle d'ailleurs, celle dans laquelle beaucoup d'opéras ont été écrits. Italien. Exactement. Oui. C'est vrai que c'est tellement beau d'écouter l'italien. C'est une langue musicale, chantante. Mmh. Voilà, ouais, tout à fait. Est-ce que la nouvelle génération, elle vient aussi à ces cours? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des jeunes gens qui sont intéressés et qui apprennent l'espéranto? Oui. Oui. Oui, oui. Là, j'ai la moitié des élèves sont des jeunes. Mmh. Super. À l'époque, dans les années 80, Pierrette, vous nous expliquiez que vous aviez commencé à apprendre l'espéranto. À cette époque-là, on n'avait pas tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui et qui nous aident finalement à pouvoir dialoguer avec des personnes qui pourraient se trouver à l'autre bout du monde. Vous faisiez comment, vous, pour le pratiquer? Il y avait déjà d'autres personnes qui, autour de vous, le pratiquaient? Alors, c'est ce fameux charpentier larichois, monsieur Dumoulin. Son nom est apparu dans un article de la Nouvelle République où il racontait tous les voyages. Il avait parcouru le monde entier, il avait visité trentaine, quarantaine de pays. Il allait de congrès internationaux chaque année. Toutes ses vacances d'été étaient consacrées à l'espéranto et allait au congrès à travers le monde, à tous les congrès qui avaient lieu à travers le monde. Et donc, l'article de journal racontait tout ça et j'ai souhaité le rencontrer. Et je lui ai demandé, donc il a accepté, je lui ai demandé s'il acceptait de m'enseigner l'espéranto, mais il a accepté également. Et d'ailleurs, autrefois, quand il était plus jeune, il enseignait l'espéranto, je crois, à des cheminots à Saint-Pierre-des-Corps, hein, puisqu'il y a une association de cheminots internationale. Oui, oui. Bien sûr. Et donc, j'ai suivi ses cours et chez lui, il avait la radio. Donc, il avait une grosse, grosse radio. On pouvait écouter Radio Vatican, Radio Varsovie, Radio Pékin. Donc, déjà. Et puis, sinon, la correspondance et le téléphone fonctionnaient très bien. Donc, j'ai pu aussi m'entretenir. Je devais aller faire, avec ma chorale, une tournée de concert en Suède. Eh bien, j'ai pris le passeport à cerveau, j'ai pris le Yar Libro, qui sont des annuaires. Et avec ça, j'ai trouvé les adresses dans les pays. J'ai pu voyager et être accueillie dans une famille. On a chanté, on a dansé, puisqu'ils avaient de la guitare avec les enfants. Bon, c'était en Russie également. Je suis allée, même c'était l'URSS à ce moment-là. Et j'ai été accueillie par un prof de maths qui était en congé parce qu'il s'était fait mal à la jambe. Donc, il avait un peu la cheville plâtrée. Mais j'ai pu visiter Moscou, non pas par les canaux officiels, mais par... C'est encore mieux. Oui, j'ai pris le métro, j'ai voyagé avec lui, j'ai assisté à son cours. Et voilà, donc c'était vraiment rentrer vraiment en contact direct avec les gens, sans passer par des offices de tourisme, des choses déjà programmées, quoi. Mmh. Mmh. Alors, dans le programme qui va être proposé le samedi 11 octobre à l'espace Jacques Villeray, donc aux Fontaines à Tours, il y en a un qui m'interpelle, c'est, je ne sais pas si c'est une conférence, l'espéranto langue dangereuse. Oui, de René Triol, oui, oui. Elle va présenter le livre de Ulrich Linz, qui est un historien allemand, qui a écrit un livre sur l'espéranto langue dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse, cette langue, qui doit justement réunir tout le monde ? Eh bien, justement, c'est qu'elle permet de communiquer avec le monde entier et donc d'envoyer des informations sur ce qui se passe réellement dans le pays. Et puis, donc, elle était considérée comme une langue d'espion, de langue qu'on voulait pour ne pas être compris, qu'on écrivait pour ne pas être compris. Donc, c'était dangereux pour les régimes en place, le régime hitlérien et le régime stalinien. Comme quoi, sur la liberté d'expression, il y aurait tellement encore à dire. Donc ça aura lieu le samedi 11 octobre à 15h, la présentation du livre d'Ulrich Linz. C'est ça. C'est ça. Mais il y a encore autre chose. À 16h30, on retrouve Lucien Perrer, qui a fait l'Eurasie en vélo-rail. Incroyable. Oui, oui. Pendant 4 ans, il a voyagé à travers l'Europe à bicyclette. Il l'a fait au début en duo avec un jeune Allemand. Il avait vu un article dans le journal, un jeune Allemand qui souhaitait traverser l'Europe, voyager à bicyclette, et il y a répondu. Il avait envie de connaître d'autres camarades, on va dire, ouvriers, artisans, voir comment ils vivaient ailleurs, en Europe, quelles étaient leurs conditions. Et donc, il a pris son petit vélo depuis la région de Lyon et il est allé rejoindre son ami espérantiste allemand. Et ensuite, ils ont fait la route ensemble. Bon, à un moment, ils sont séparés. Il y en a un qui continue vers le Proche-Orient et l'autre vers l'Orient. Donc, il était jusqu'au Japon, Lucien Perrer, et l'Indonésie. C'est dans l'entre-deux-guerres, là. On est au début du 20e. Entre 28 et 32, oui. Et donc, ça, ce sera présenté par Pascal Dubourg-Glatigny, okay. Qui est directeur de recherche au CNRS et aussi enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Tout ça, c'est des entrées libres. Oui. On a décidé de faire la fête, mais d'offrir au Tourangeau, voilà, ce petit voyage en espérancie, que ce soit à la portée de tous. Et puis ça se termine avec une ambiance chantée, puisque à 21h, on retrouve Yomo, qui est un chanteur sans frontières. Et oui, mais il est toujours dans le monde entier. Il est demandé, il a beaucoup de succès. Il met toujours une ambiance folle. Il est aussi auteur-compositeur, mais souvent il prend des reprises qu'il traduit en espéranto. Voilà. C'est marrant parce que sur le flyer, il ressemble à Charb un peu. Je ne sais pas si vous avez... C'est vrai, peut-être. Hein, un petit quelque chose, puisqu'on parle de liberté d'expression. Un petit clin d'œil à Charlie. Et puis à 20h, ce sera... Alors, je vais vous laisser le prononcer parce que je ne voudrais pas me... Chiara. Alors, qu'est-ce que c'est ça, Chiara ? Chiara, donc c'est une chanteuse italienne. Elle est autrice, compositrice et interprète. Pareil, en guitare, voix. Et elle fait de magnifiques ballades. Elle va chanter, donc vous allez découvrir, c'est tout un monde, c'est de poétique et c'est très agréable. Et elle a gagné donc le second prix au concours de l'Eurovision des langues minoritaires, il y a 2 ans. D'accord, eh ben, on est impatients de découvrir. Donc la Pierrette, actuellement, depuis le 4 octobre, on peut visiter une exposition. Oui, tout à fait, oui. L'exposition est là jusqu'au 31 octobre à la bibliothèque de quartier des Fontaines, au premier étage. Et donc, on peut y trouver donc, l'histoire de l'espéranto, le mouvement actuel aussi, et tous les contacts qu'on peut avoir avec des associations internationales également. Très bien. Il y aura également 2 ateliers d'initiation, de découverte de la langue, les samedis 4 et 11 octobre, tous les deux, de 11h à 12h. Très bien. Et toutes ces infos, j'imagine qu'on peut les retrouver aussi peut-être sur les réseaux ? Oui, sur Instagram et puis également sur notre site, le site de l'association. Très bien. Alors, si des auditeurs nous écoutent et veulent se lancer dans l'apprentissage de l'espéranto, cette langue dont on pourra dire qu'elle a une dimension humaniste, à quel moment ils peuvent venir prendre des cours ? Eh bien là, on est en début d'année scolaire, donc on peut commencer. Bon, certains ont déjà commencé depuis quelques semaines, mais je pense qu'on peut commencer encore là, courant octobre, si on souhaite venir une fois de façon hebdomadaire. Les cours sont le jeudi de 16h à 17h30, voilà, pour les débutants. Et puis sinon, ils peuvent aussi adhérer à l'association et venir lors des rencontres mensuelles pour assister. Et certains peuvent aussi suivre sur e-courso ou sur lernu.net, qui sont vraiment d'excellents sites d'apprentissage des langues en 10 ou 12 leçons. Et on a déjà un bon point de départ. Voilà. Et ils peuvent venir vous rejoindre au café Esperanto tous les mercredis. Tout à fait. Et oui, ça n'oublions aussi, pas ce moment convivial autour d'un café, ça fonctionne toujours très bien aussi. Oui. Eh bien, un grand merci à vous, Pierrette, d'avoir partagé avec nous l'histoire et puis la vitalité de ce centre culturel espéranto de Touraine, qui souffle, on le rappelle, c'est 120 bougies cette année. Eh bien, on souhaite que ça perdure encore très longtemps et que ça se développe un maximum, hein, parce que c'est important que les peuples puissent échanger entre eux. Tout à fait. Eh bien, on se quitte sur cette idée simple mais forte. La langue, qu'elle soit maternelle, apprise ou universelle, elle reste avant tout un outil de lien entre les êtres humains. Et puis, on va se quitter en musique avec Chiara, parce que vous nous avez mis l'eau à la bouche et qu'on a envie d'entendre l'espéranto chanter. Merci Pierrette. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce MAC que vous pourrez réécouter en podcast sur la page du site Radioactive, www.radioactivefm.fr. Das ci morde iam varmigas mi gin besonas por min senti viva quancam foie vere malfacilas ofte mi malsparis tempon pri detale trete etai ofte spertis venton frostan inter miai haroi lasu min plucanti ca per plenai pulmon ci melodion creantan passion mia voce venas ritme contra o tempe por surprizi kai por shangi la etoson in puto profunda tenanta sur funde mia in eraro in mia in mi spacio in mi volas clopodi re Ciuin aferoin, ciui valoras Ofte mi masparis tempon Por globodi shangin min Mentiu tempo pelas for Cia malamon Lasu min plucanti Cai per plenai pulmon Ci melodion creantam un passion Mia voce venas Ritme contra il tempo Fisica e pur changi la etoso Si la arche mio Cai turmigia scapo Autubatum de la mano in semplio Lugas nulla canto Ore esperanto Cresca se ne movas Ci un mian sento Movas ci un mian sento Mia voce venas, ritme contra o tempe, por surprizi cae por shangi la etoso. Trouvez le MAG et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.